Ici, c'est la joie. Tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine, tintine. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre de nous. A-t-il 999, point final, ouais. Papa François Cognan, toujours une longueur d'avance, ouais. Tintina, tintina, tintina, tintina, tintina, tintina, tintina. Allez, tu vas. Chris David, alias Koukouli le créateur. Ouais. Ils ont créé pour Dada, pour Bota, décalé Saga Cité. Décalé chinois, sorti maman encore Prudencia. Ton ami, ton ami. Tata Kenny est arrivé pour vous servir la joie. Vraiment très très fort. Allez, échauffement, allez, échauffement, échauffement, allez, échauffement. On est à l'échauffement. Dis ton ami, Tata Kenny. Même si c'est sur le côté, on peut bloquer. Allez, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami, bon ami. Sima, à ce que les gens tout mettent, mettent, malgré les gens vont tomber, vont tomber. Gardez mon temps, mon temps, quand les gens vont tomber, tomber, tomber, les gens vont tout. Tintina, tintina.